Book 2 64 64 64 النفي 1 Négation 1 Négation 1 لا أفهم الكلمة Je ne comprends pas le mot Je ne comprends pas le mot. La أفهم الجملة. Je ne comprends pas la phrase. Je ne comprends pas la phrase. La أفهم المعنى. Je ne comprends pas le sens. Je ne comprends pas le sens. المعلم. L'instituteur. L'instituteur. هل أنت تفهم المعلم؟ Comprenez-vous l'instituteur؟ Comprenez-vous l'instituteur؟ نعم، أفهمه جيدا. Oui, je le comprends bien. Oui, je le comprends bien. المعلمة. L'institutrice. L'institutrice. هل أنت تفهم المعلمة؟ Est-ce que vous comprenez l'institutrice؟ Est-ce que vous comprenez l'institutrice؟ نعم، أفهمها جيدا. Oui, je la comprends bien. Oui, je la comprends bien. الناس. Les gens. Les gens. هل أنت تفهم الناس؟ Est-ce que vous comprenez les gens؟ Est-ce que vous comprenez les gens؟ لا، لا أفهمهم بشكل جيد. Non, je ne les comprends pas très bien. Non, je ne les comprends pas très bien. الصديقة، الصاحبة. L'ami. L'ami. هل لديك صديقة؟ Avez-vous une amie؟ Avez-vous une amie؟ نعم، لدي صديقة. Oui, j'en ai. Oui, j'en ai. الابنة. La fille. La fille. هل لديك ابنة؟ Avez-vous une fille? Avez-vous une fille? لا، ليس لدي ابنة. Non, je n'en ai pas. Non, je n'en ai pas.